Mes amis, vous avez vu, Patrick Belou, le médecin urgentiste de Saint-Antoine, qui avait donné l'alerte à la canicule, vient de sortir un bouquin sur le carnage de cet été. Un livre qui raconte, dans les détails, tout ce qui s'est passé dans les couloirs de l'hosto. Vous trouvez ça dingue? Eh ben, vous n'êtes pas vous de vos surprises. Figurez-vous que le téléfilm a déjà été tourné. Ah bon? Et bande de vénards, c'est avec moi la bande-annonce. Oh, vous avez de la chance. C'est du lourd et c'est en avant-première. Paris, août 2003. Je sais qu'ils sont morts. Nom de Dieu, c'est quoi la marque du thé? J'en sais rien, docteur, mais je crois qu'ils sont morts de chaud. Bon, qu'on transfère les survivants dans la chambre froide, dans la cuisine. Mais ils vont mourir de froid. Oh putain, c'est fragile, les vieux. C'est insupportable. Bon, allez, on fait péter le budget. Distribution de Mr. Freeze pour tout le monde. D'accord, docteur. Oh putain, de canicule. Ça m'appelle le Vietnam. Oh, là aussi, ça aurait été un carnage. Docteur, docteur. Quoi encore? Tous les vieux du premier sont morts. Ah, mais c'est pas vrai. Oh, en plus, dans une heure, il y a la commission de contrôle du budget prévisionnel hôpital de Paris 2004 qui passe. Si jamais ils voient tous ces morts, on aura moins de budget, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Qu'est-ce qu'on fait? Deux secondes. Vous allez mettre des électrodes au cul des vieux macabés, et quand la commission passera dans les chambres, vous balancez la sauce. Les corps bougeront et comme ça, on les croira vivants. Vous êtes un génie, docteur. Oh, je sais, mon petit, je sais. Ça promet. Alors, est-ce que ce plan de dissimulation de cadavre du docteur Pelou va marcher? Ou est-ce que l'hécatombe va être mise au grand jour? Vous le saurez en regardant Canicule et Vieille Dentelle. Je vous l'avais dit, Grenelle! C'est du lourd, c'est énorme! Bon, je vous laisse, je dois aller faire un truc. Oh, putain, c'est...